saluons chacun de vous ce matin au nom de Jésus-Christ. Tuko na lamukia kila mmoja wenu asubuhi ya leo mjini Yesu Kristo. Le pasteur Vianney de Kigali. Mchungaji Vianney wa Kigali. Le frère Charles de Benin. Na nduku Charles wa Benin. Nous avons tous salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parmi lamukia mwe bote mjini Yesu Kristo. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tushimame juu ya kusoma kwa neno. Dans Daniel au chapitre 9. Mu Daniel sura yake ya kenda. Nous lirons le verset 24. Tuko na soma mstari wa 24. Nous prendons le livre de Luc. Tout à l'heure, il y a un kitabu qui a Luca. Le chapitre 21. Sura ya makumi mbili na moja. À partir du verset 28. Kwanzia pa mustari makumi mbili na munane. Jusqu'au verset 31. Kufika paka pa mustari wa makumi tatu na moja. Et nous finirons avec Marc 13. Tutamalizia na Marco sura ya 13. Dans son verset 35 à 37. Mumustara makumi tatu na tano na makumi tatu na saba. L'alpha et l'oméga. Alpha na omega. Nos cœurs sont enflammés de joie. Mioyo yetu nyenye kuwaka na furaha. Dieu te reconduit encore dans ta présence ce matin. Dieu a kongozwa tena mwepo yako asubuhi ya leo. Selon ce qui est écrit, kufatana vile ile imeandikwa, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Niko mfuraha wakati wananiambia twende kwa nyumba ya milele. Viens Seigneur au milieu de nous. Waanze nasi. Parce que tu as promis d'être là où s'assemblent deux ou trois en ton nom. Juri laka kusema pale panakusanya bawili au batatu ko pale. Assiste chaque frère et chaque sœur. Saidia kila ndugu na kila dada. Et assiste-moi. Na unisaidie. Élève-nous dans les lieux célestes en Jésus. Utunyanyue pale pa juu ndani ya Yesu Kristo. Bénis chacun de nous d'une manière particulière. Bariki la mmoja wetu munamna ya kipekee. Et bénis la parole qui sera lue. Na ubariki neno itasomewa. Au nom de Jésus Christ. Mungine Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Daniel au chapitre 9. Daniel sura yake ya kenda. Verset 24, nous lisons. Mustari makumi mbili na ine tuko nasoma. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Majuma makumi saba iliwekwa juu ya taifa yako na juu ya mji takatifu. Dans Luc au chapitre 21. Luca makumi mbili na moja. Verset 28. Mustari wa makumi mbili na mnane. Quand ces choses commenceront à arriver, wakati hivi vitu vitaanza kufika, redressez-vous. Mulamuke. Élevez vos têtes. Na mulamushe vichwa vyenu. Parce que votre délivrance approche. Juu ukombozi yenu inakaribia. Et il leur dit une comparaison. Na akabaonesha tena juu ya kulinganisha. Voyez les figuiers. Tazama mchini. Et tous les arbres. Na michi yote. Dès qu'ils ont poussé. Wakati itachipuka. Vous savez vous-même. Munajua mwenyewe. En regardant que déjà l'été est proche. Mkuyangalia tu munaona kusema kipa kinakaribia. De même quand vous verrez ces choses arriver. Hivyo hivyo wakati mutaona bile vitu vinafika. Sachez que le royaume de Dieu est proche. Mupate kujua kusema ufalme wa Mungu unakaribia. Dans Marc 13. Marco 13. Verset 35. Mustari makumi tatu na tano. Veillez donc. Mukesheni basi. Car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Juu amujue wakati mawa nyumba atakuja. Ou le soir. Au mangaribi. Ou au milieu de la nuit. Au katikati ya busiku. Ou au chant du coq. Au kubusubui. Ou le matin. Au busubui. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Mwogope asipate kumikuta benye kulala. À son arrivée soudaine. Kwa kuja kwake kwa ghafla. Ce que je vous dis. Ibi niko namionyesha. Je l'ai dit à tous. Niko namionyesha kwa mwe bote. Veillez. Mukeshe. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze mabaraka kusoma maneno yake. Depuis jeudi, tangia siku ya ine, nous avons ouvert une parenthèse tulifungula mkato dans notre enseignement avant d'avancer. Mu mafundisho yetu mbele ya siku endelea. Nous avons dit à l'église ceci. Tulisema kwa kanisa hivi. Pourquoi aujourd'hui nous, en tant qu'époux de Jésus-Christ, une église de nations, kanisa ya mataifa, nous voulons à tout prix parler sur les 70 semaines de Daniel qui ne nous concernent pas. Tuko napenda kusemea zaidi juu ya majuma makumi saba ile ambayo ituangalie shii. Nous avons montré la première raison pour laquelle nous insistons sur les 70 semaines de Daniel. Tulimionyesha sababu ya kwanza ile ambayo tuko nawekea mkazo juu ya majuma makumi saba ya Daniel. Nous avons dit, tulisema, le 70 semaines de Daniel, majuma makumi saba ya Daniel, est un calendrier, ni calendrier exact, ya sawa, qui fixe à l'église des nations, ile kunaonesha kanisa mataifa, à quel temps nous sommes par rapport au retour du Seigneur. Ni mwakati gani mule siko mkulinganisha na kurudia kwa Bwana. Israël est un calendrier exact de l'église des nations. Israël ni calendrier yenye kuya ya sawa kwa kanisa ya mataifa. Parce que s'il faut savoir, s'il faut connaître les jours, Dieu kama inapasha kujua siku, il faut regarder à votre calendrier. Unapasha kuangalia ukalendrie yako ya munyumba. Si vous voulez savoir quelle heure nous sommes, kama unapenda kujua tuko wakati kani, nous devons regarder à la montre. Tutaangalia kwa saa yetu. Mais pour connaître à quel temps nous sommes, juu ya kujua sasa wakati ile tuiko sasa, nous devons regarder à Israël. Tunapasha kuangalia kwa Israël. C'est ainsi que nous avons ouvert cette parenthèse. Et dans cette parenthèse, nous avons dit ceci. Le 70 Jésus-Christ Jésus-Christ ne nous a pas écrit dans la Bible les jours, l'heure, ça, et la date de sa venue. Na siku ya mwezi ya yekuya. Dans les Saintes Écritures, omo mu maandiko, il n'y a même pas une promesse qui nous annonce que ce jour, cette date et cette heure nous sera révélée. Hakuna hata malako mweko na tutangazia kusema siku au siku ya mwezi la takuya itatufunuliwa. Haina. Nous tous, nous devons savoir que Jésus-Christ viendra comme un voleur dans la nuit. Sema Yesu Kristo atakuya sawa mwizi wakati abushiku. Il viendra à un temps atakuya mwakati où le monde n'y pensera plus. Mule ulimwengu haitaanza kuwazia. Il viendra dans une période atakuya mwakati où beaucoup de gens dorment dans le péché et dans une négligence totale. Et nous avons dit ceci. Malgré que les Saintes Écritures ne nous révèle pas le jour, la date et l'heure du retour de Christ. Ile siku ya mwezi ya kurudia kwa Kristo. Mais comme nous sommes les bien-aimés de l'Éternel. Lakini sasa vile sisi tuko wapendwa wa milele. Jésus-Christ est les saintes écritures. Yesu Kristo na miandiko. Nous ont annoncé ili tutangazia les signes maalama qui révèlent le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Maalama ile iko nafunua kurudia kwa haraka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Et nous avons commencé à parler de ces signes. Na tulianza kusemea juu ya ile maalama. Parce que c'est très important pour nous. Juu ni ya mafaa sana kwetu. Dieu n'a pas envoyé ce message du temps de la fin pour rien. Mungu ashikutume mjumbe ya mwisho kwa bule. Dieu l'a envoyé pour que chacun de nous soit éclairé. Mungu alituma juu kila mmoja wetu apate kuangaziwa. Et que le retour du Seigneur Jésus-Christ ne le surprenne pas. Juu kurudia kwa Yesu Kristo kushimushitushe. Ainsi comme nous sommes les enfants du jour et les enfants de la lumière. Na hivi si tuko batoto ba muyua tena ba munuru. Parce que nous avons la parole prophétique qui nous indique toutes choses et qui nous révèle à quel temps nous sommes. La parole prophétique nous explique toutes choses clairement, nous pointe toutes choses, tous les signes clairement pour nous permettre de nous préparer. Tout nous est révélé pour notre préparation. Les enseignements que nous recevons, nous, sont entièrement différents des enseignements qui sont reçus dans les dénominations. Inaachana kabisa na mafundisho ile watu wako napokea kule kwa madhehebu. Notre objectif, kifukuzio kietu sie, est entièrement différent de celui des dénominations. Kiko naachana kabisa na kiabale ba kwa madhehebu. Nous attendons le retour du Seigneur. Chetu kunarudia tunachunga kurudia kwa Bwana. Et Dieu nous a envoyé un message qui nous prépare pour rencontrer le Seigneur. Et c'est ce message qui nous révèle les signes, qui nous réveille, et qui nous explique toutes choses pour que nous ne dormions pas comme les autres. C'est vrai, frère. C'est pourquoi nous avons énuméré quelques signes. Et le plus grand signe, c'est le retour d'Israël dans sa patrie. Lorsque Israël est devenu une nation, c'est un très grand signe pour nous qui attendions le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ni alama mkubwa kwetu sisi venye kuchunga kurudia kwa Yesu Kristo. Et avec son retour, nous comprenons que avec le retour d'Israël dans son pays, nous comprenons que la venue de Jésus-Christ est à la porte. Na kurudia kwa Israël mwinchi yake tunaelewa kusema Yesu Kristo yuko pa mlango. Et lorsque nous voyons cela, na wakati tuko naona bile bintu, nous comprenons que la fin de l'âge est là. Tunaelewa kusema mwisho ya kizazi inafika. Avec tous les événements qui se passent dans le monde, na maandamano yote yanafanyika leo mudunia, le progrès de la science, kuendelea kwa majifunzo, la perfection en toutes choses, kuharibika mu vitu vyote, création de virus et de maladies contagieuses, kuumba ma magonjwa ya kuambukiza, l'immoralité de la femme, kukosa kujiheshimia kwa mwanamke, les mères corrompues, les guerres, les mères Mikario ya bantu. Mikario ya bantu isha kuharibika. Le maire se corrompu. Mikario ya kuharibika. Les guerres partout, les tensions partout. Manvita fashiote, fashiote. Nous comprenons. Tunaelewa. Que le jour du retour du Seigneur est là. Siku ya kurudia kwa Bwana kuna karibia. Lorsque nous voyons de la méchanceté partout. Wakati tunaona bubaya fashiote. Ce sont des signes avertisseurs. Ni ma alama ya kukalamusha. Ça c'est la première des choses que vous devez retenir. Pourquoi nous parlons de ces 70 semaines de Daniel? Kile ni kitu kia kwanza mnapasa kuyua kusema juu ya nini tunasemea juu ya majuma makumi saba ya Daniel. Et nous aurons aussi à voir la deuxième raison pour laquelle nous voyons ces 70 semaines de Daniel. Na tutaona sababu ya pili ya ile juu ya nini tunaona hii majuma makumi saba ya Daniel. Mais avant de parler de la deuxième raison. Bila si kusemea sababu ya pili. Nous voulons aussi rappeler à chaque frère, à chaque sœur, tulipenda tena kukumbusha kwa kila ndugu na kila dada, qu'aucun homme ne peut prétendre attendre et voir la venue de Christ. Hakuna mtu mmoja anaweza kuwajia kuchunga na kuona kurudia kwa Kristo. Et l'enlèvement de l'épouse. Na kunyakuliwa kwa bibi wa harusi. Si il n'a pas rempli. Kama ashikutimiza les trois étapes de la grâce ma bipande tatu bya neema qui sont la justification yenye kuya kuhesabiwa kwa haki la sanctification utakaswa et le baptême du Saint-Esprit na ubatizo wa Roho Mtakatifu qui nous conduit dans l'obéissance de toute la parole de Dieu ile kuna tuongoza mkuti neno yote ya Mungu. Aucune personne hakuna mtu hata moya. Même celui qui prétend croire le message du temps de la fin ne peut prétendre attendre et voir la venue de Christ et participer à l'enlèvement de l'épouse si il n'a pas réuni les trois conditions, il n'a pas réuni les trois étapes, il n'a pas expérimenté les trois étapes de la grâce. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, tout en marchant dans l'obéissance totale de toute la parole de Dieu. Ça c'est très important. Nous en parlerons dans d'autres enseignements. Mais remarquez une chose. Lakini mwangalie kitu kimoya. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Comme Messie d'Israël. Sawa Masia wa Israël. Est venu premièrement pour racheter Israël. Alikuya kwanza juu ya kukombola Israël. Mwandike hili. Jésus-Christ comme le Messie sauveur d'Israël. Jésus-Christ sawa Masia mkombozi wa Israël. Est venu premièrement. Alikuya kwanza. C'est pour racheter Israël. Juu ya kukombola Israël. Il n'était pas venu pour les nations. Ashikukuyaka kwanza juu ya bato ya mataifa. Non. Hapana. Il était venu pour les enfants d'Israël et les enfants d'Abraham dans la chair. Arikuyaka kwanza juu ya batoto ya Ibrahim mumwili. Dans Matthieu au chapitre 10. Mu Matayo sura yake ya 10. Dans son verset 1. Mustari yake ya kwanza. Pour aller plus vite, nous allons sauter au verset 5. Wakwenda mbiombio tutaluka mustari ya 5. Jusqu'au verset 6. Paga na mustari ya 6. Puis ayant appelé ses 12, kisha kaita ses 12 disciples, bale ba nafunzi 12, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, akabakaburia uwezo ya kufukusha mapepo mchafu, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Na ya kutunza magonjwa yote na ulema wote. Voici les noms des 12 apôtres. Tazama majina ya bale ba mitume 12. Dans son verset 5, mustari yake ya 5, tels sont les 12 que Jésus envoya. Aba njo 12 bale Yesu alitumaka. Après leur avoir donné des instructions suivantes. Kisha ye kubakaburia hii mafundisho hii. N'allez pas vers les païens. Mushende kamwe kubapagano. Et n'entrez pas dans les villes de Samarie. Na mushingie kumiji ya Samarie. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mwende paka kubakondo benye kupotea banyumba ya Israël. Vous voyez. Munaona. Allez et prêchez et dites. Mwende mkaubiri na mseme. Le royaume des cieux est proche. Falme wa Mungu unakaribia. Vous voyez. Munaona. Lorsque Jésus-Christ est venu, wakati Yesu Kristo alikuja, pour la première fois, kwa mara yake ya kwanza, il est venu d'abord comme un messie pour Israël. Alikuja kwanza sawa masia juu ya batoto ya Israel. Afin de les racheter. Juu apate kubakombola. C'est vrai. Ni kweli. Dans Matthieu au chapitre 15. Matayo sura yake 15. Vous commencez au verset 21. Mwe mwanzie pa mstari makumi mbili na moja. Allez jusqu'au verset 28. Mwende paka mstari makumi mbili na munane. Cet entretien eu entre Jésus et la femme cananéenne. Ni masungumuzo ilikuwa katikati ya Yesu na mwanamke wa Kanania. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Yesu kisha kwenda akaenda ku jimbo ya Tyr na ya Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria. Na tazama mwanamke wa Kanania akakuya na kumlalamikia. Et pitié de moi Seigneur, fille de David. Ma femme est cruellement et tourmentée par un démon. Unishikirie buluma bwana mwana wa Daudi, binti wangu eko mwenye kuzuru sana na mapepo mchafu. Il répondit, akajibu, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Nilitumiwa tu ku kondoo yenye kupotea ya nyumba ya Israël. Mais elle veut se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Lakini akakuya akamtwangia magoti na akamwambia Bwana unisaidie. Il répondit, akajibu, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Haina mzuri kubeba mkate ya batoto na kukaburia tubaimba tuloko. Vous allez continuer avec les versets 27 et les versets 28. Mutaendelea na mstari wa 17 na 18. Vous voyez ici aussi. Munaona hapa napo. Que le Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo, affirme plus clairement à cette femme cananéenne, eko naonesha waziwazi kwa mwanamke mkananiya, que sa mission, sema kazi yake, était d'abord de s'occuper de la maison d'Israël. Ilikuwa kwanza kuhangaikia nyumba ya Israel. Dans Actes des Apôtres chapitre 13. Ko Matendo ya Mitume 13. Prenons le verset 21. Tubebe. Prenons le verset 21. Ou pour aller un peu plus rapidement, prenons le verset 23 jusqu'à 28. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Niku kizazi kya Daudi kwenye Mungu kufuatana na malako yake alilamusha ku Israeli mkombozi moya mwenye kuya Yesu. C'est à la postérité de David. Niku kizazi kya Daudi. Que Dieu selon sa promesse kule Mungu kufuatana na malako yake a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Mukombozi mwenye kuwa Yesu. Avant sa venue, mbele ya kuya kwake, Jean avait prêché le baptême de la repentance à tout le peuple d'Israël. Yohana alihubiri ubatizo ya toba kwa taifa yote ya Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, na kisha Yohana kumaliza safari yake, il disait, alianza kusema, je ne suis pas celui que vous pensez. Sina ule mwe mko na wazia. Mais voici, tazama, après moi vient celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers. Kisha mie kuko nakuya ule eko mwenye sistahili hata kufungula mankamba bilato yake. Oh mon frère, nduku, fils de la race d'Abraham, batoto ya kizazi cha Abraham. Et vous qui craignez Dieu, na mwe benye kogopa Mungu. C'est à vous que cette parole de salut a été envoyé. Ni kwenu mweye hii neno ya wokovu ilitumiwa. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs bakaji ba Jérusalem na bakubwa yao ont méconnu Jésus. Barishinda kumuyua Yesu. En les condamnant, moko mukumu, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Baritimiza masauti ya banabi ile iko nasomewa kila sabato. Vous voyez bien mes frères et sœurs. Munaona mapendo nduku na dada. Quand Jésus est venu pour la première fois, wakati Yesu alikuja mara yake ya kwanza, il est venu d'abord s'occuper d'Israël, watoto ya Israël, qui est enfant d'Abraham dans la chair. Benye kwa batoto ya Ibrahimu mumwili. Mais, lakini, lorsqu'il est venu, wakati alikuja, pour eux, kwabo, il est mort pour eux, alikufa juu yabo. Mais le véritable rachat, lakini ukombozi wa byakweli, ne fut pas appliqué sur eux. Haukutimilika, haukuwekwa juu yabo. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il est rejeté. Juu bari mukatalaka. Lorsque Dieu envoya le rédempteur à Israël, wakati Mungu alituma mkombozi ku Israël, pour leur donner le salut, pour leur accorder la vie, mais celui à qui on avait envoyé le rédempteur, ils ont rejeté ce salut. Ils ont rejeté ce rachat. Et comme, bien que le rachat fut appliqué sur eux, mais ils ont rejeté ces rachats. Oui, bien-aimés frères. Oui, bien-aimés sœurs. C'est ce que nous pouvons lire dans Matthieu 27. Matthieu au chapitre 27. Dieu a envoyé un rédempteur à Israël. Mungu alituma mkombozi ku Israël. Mais quand le rédempteur est venu, lakini wakati ule mkombozi alikuya, Israël a refusé ce rédempteur. Israël alikatala mkombozi wa. Et même l'œuvre de la rédemption qui fut accomplie par le rédempteur, ata yenye kazi ya ukombozi ilitimiliziwa na ule mkombozi, ne fut plus appliqué sur eux. Haikufanyika tena juu yao. L'église est avec moi. Eti kanisa iko na mimi. Juu bare mkatalaka. Matthieu 27. Matthieu 27. Commençons au verset 22 à 23. Tuanzie pa 22 na 23. C'est lorsqu'on avait amené Jésus. Ni wakati walimleta Yesu devant le gouverneur. Mbele ya liwali. Ils l'ont amené accompagné de Barabbas. Walimleta mwenye kusindikizwa na Barabbas. Et le gouverneur prena la parole et leur dit. Na ule liwali akabeba sauti na kabaonesha. Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ni nani papa bawili mko napenda nipate kumitolea? Il répondit Barabbas. Bakajibu Barabbas. Pilate leur dit. Pilate akabambi. Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Nifanye nini basi na uyu Yesu mwenye beko naita Christu? Tous répondit. Bote bakajibu. Qu'il soit crucifié. Asulubiwe. Le gouverneur dit. Liwali akabambi. Mais quel mal a-t-il fait? Sasa ni bubaya kani bula anafanya. Il criera encore. Akalalamika tena. Plus fort. Na nguvu zaidi. Qu'il soit crucifié. Asulubiwe. Vous voyez? Mnaona. Ils ne se sont même pas arrêtés là. Aba kushimamia tu paka pale. Dans le verset 25. Sara 25. Parce que Pilate a insisté. Pilate voyant qu'il ne gagnait rien. Pilate et que la multitude augmentait. Il prit de l'eau. Se lava les mains en présence de la foule et dit. Je suis innocent du sang de ces justes. Sina na mambo mwidamu ya huyu mwenye ari. Cela vous regarde. Ile inamiangalia mwe benyewe. Verset 25. Et tout le peuple répondit. Na taifa yote kajibu. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Damu ya huyu mtu iyetuangukie shie na yule watoto yetu. Et après cela. Na kisha ile. Pilate était obligé. Pilato alizazimishwa. De relâcher Barabbas. Apate kumwacha Barabbas. Et de condamner Jésus. Na apate kukumu Yesu. Parce que ses frères l'avaient rejeté. Juba ndugu yake bari mukatala. Voyez bien mes frères. Munaona ndugu mpendo. C'est lorsque le rachat. Ni wakati ile ukombozi. Ne fut pas appliqué sur Israël. Haikufanika yule ya Israël. Parce qu'il est rejeté. Juba ni mukatalaka. C'est alors que le salut. Njomu wakati sasa wokovu. Traversa Israël. Ikatoka ku Israël. Pour aller à l'église des nations. Juu ya kwenda ukanisa ya mataifa. Voyez. Munaona. Quand Israël, wakati Israël a rejeté le salut, arikatala wokovu, il a rejeté le rachat, arikatala ukombozi, c'est à ce moment-là ni mwile wakati, que le rachat ukombozi, et le salut na wokovu, a quitté maintenant Israël, ilitoka ku Israël, a traversé pour aller vers les nations, ikaenda sasa kubatu ya mataifa, et les nations reçurent la rédemption, na mataifa kapokea ukombozi, et cela fut appliqué sur nous. C'est pourquoi Jésus-Christ est notre rédempteur. Ni mukombozi wetu. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Voyez bien mes sœurs. Unaona mpendwa. Est-ce que comprenez-vous cela? Eti mko naelewa ile? Si nous sommes aujourd'hui kama sauvés. Tuko benye kokolewa leo. Si aujourd'hui kama leo, la rédemption a été appliquée sur les nations. Ukombozi liwekewa yule abato mataifa. C'est parce que ni juu Israël à qui Dieu avait envoyé la rédemption. Israël bale Mungu alitumia ukombozi. Avait rejeté leur Messie. Barikatala kama sia wabo. Avait refusé que la rédemption soit appliquée sur eux. Barikatala ukombozi pate kwa yulu yabo. Et comme Dieu ne pouvait rien faire. Na vile Mungu asikuweza kufanya kitu tena. Contre la volonté d'Israël. Mubile kwa barikatala. Il les abandonna. Ndio kwa maana Mungu alibaacha. Et il conduisit. Akaongoza. Ah, le salut et la rédemption. Ukombozi na wokovu. Aux nations qui les reçurent. Kubatu ya mataifa bali walipokea. Et nous aujourd'hui. Na si leo. Nous sommes devenus. Tunakuwa sasa. Le peuple de Dieu. Taifa ya Mungu. Nous sommes devenus. Tunakuwa sasa. Des enfants de Dieu. Batoto ya Mungu. Et Jésus-Christ, na Yesu Christu, qui était le rédempteur, ule alikuwa mkombozi, le Messie Masia, d'Israël, wa Israël, est devenu anakuwa sasa, notre Messie, Masia wetu, est devenu anakuwa tena, notre rédempteur, mkombozi wetu. C'est ce que la Bible explique. Ndio kile Biblia kunafasiri. L'église est avec moi. Kanisa kunanifuata. Actes des Apôtres au chapitre 13. Matendo ya Mitume 13. Actes des Apôtres chapitre 13. Commençons au verset 44 à 48. Tuanzie pa mstari makumi ine na ine na makumi ine na munane. Le sabbat suivant, sabato ingine, puisque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu, kadiri muji yote kakusanika cha kusikia neno. Les Juifs voyant la foule, Bayuda mukuona kinkunji, furent remplis de jalousie, bakayala na mwivu, et ils s'opposaient à ce que disait Paul en les contradisant et en les juriant. Na bakakatala bile Paulo alianza kusema mukumubisha na kuanza mucheka. Paul et Barnabas leur dit, Paulo na Barnabas akawaambia, avec assurance, na hakikisho, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Ni kwenu mwe kwanza kule ambayo neno ya Mungu ilipasha kutangaziwa. Mais puisque vous la repoussez, sasa sasa vile mulikatala, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, na mwe wenyewe mnajamua kusema mustahili, voici nous nous tournons vers le païen. Tazama tunageukia sasa bapagana. Juu. Ainsi l'a ordonné le Seigneur. Hivi aliamuru Bwana. J'étais établi pour être la lumière des nations. Nilikuwekwa kuwe nuru ya mataifa. Pour porter le salut aux extrémités de la terre. Le verset 48. Les païens se réjouissaient en attendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Vous voyez, et la parole du Seigneur se répandait dans tous les pays. Vous voyez bien, mes frères, nous y reviendrons. Le salut a traversé Israël pour aller vers l'église des nations, parce que Israël avait rejeté son rédempteur et avait refusé que le rachat soit appliqué sur lui. Et cette œuvre que Christ a accomplie au bois du calvaire ne pouvait pas rester sans effet. Il était déjà venu. Il ne pouvait plus retourner pour revenir encore et mourir pour les nations. Il dit, comme vous jugez indigne de la vie éternelle, ceux qui ne s'attendaient pas au salut, salut leur sera accordé. C'est ainsi que vous voyez Frère Branham. Quand il parle de la grâce, il donne l'exemple d'un soldat qui était condamné. Pendant la guerre de libération, et ce soldat-là avait commis des erreurs, des fautes pendant la guerre, et il était condamné à mort. Mais son ami comprenait que réellement il avait commis une faute. Mais il aimait, il voulait le voir vivre. Alors il prit le courage d'aller voir le président Lincoln. Pour lui dire, mon ami est un soldat qui défendait le pays. Mais il a commis des fautes sur le terrain. Maintenant il est arrêté, il doit être tué. Et je viens vers toi, parce qu'il n'y a que la grâce présidentielle qui peut les délier de cette menace de la mort. Il avait tellement plaidé pour son ami, mais comme le président n'était pas au bureau, il prit un morceau de papier, il écrit le nom du condamné, et à la fin il écrit gracié, il signa l'encore, il écrit l'encore et il signa. Son ami était tout joyeux d'avoir obtenu la libération, et d'avoir obtenu l'annulation de la condamnation de son ami. Et avec ses papiers de libération, il courut vers la prison. Et lorsqu'il est arrivé, il dit à son ami, tu es libre mon ami. J'ai vu le président, il a signé ta libération et il a annulé ta condamnation. Et voilà la signature du président. Son ami prend, il regarde un simple papier, il n'y avait pas d'entête, il n'y avait pas de sceau. Il dit, tu viens te moquer de moi. Le condamné répond à son ami, tu viens te moquer de moi, parce que moi je suis condamné. Bientôt on va me tuer. Son ami lui dit, non, je ne viens pas se moquer de toi. Je te dis la vérité. J'ai vu le président. Tu es gracié, tu es libre. Il a refusé. Son ami insista, il le refusa. Et il ne pouvait pas faire autrement. Sortez, pardon, tu es libre, tu n'es plus condamné. Il a vu le président. Et il a refusé. Et il est resté là. Son ami est rentré. Et pendant la nuit, on est venu le chercher et on l'a tué. Mais après qu'il soit tué, mais on a découvert après son ami dit non, il était gracieux, vous l'avez tué comment? Quand ils sont allés au procès, vous condamnez ce qu'il avait tué, parce que c'était un homme qui était gracieux par le président. Après avoir instruit le dossier, à la fin, c'est ce qu'il avait condamné. Était innocent. Ce qu'il avait tué était innocent. Et la conclusion des juges, ils ont déclaré la grâce, nema, grâce ni nema, si elle est reçue comme grâce. Ni kama banaipokea sawa nema. Votre ami avait été gracié par le président, mais il n'a pas accepté la grâce du président comme sa propre grâce. C'est son refus qui l'a conduit à la mort. S'il avait accepté la grâce du présidentiel, il était parti, il ne serait pas condamné. Vous voyez bien mes frères, vous voyez bien mes soeurs, Israël avait rejeté cette grâce. Israël a rejeté la nema. Et Dieu a traversé avec ses saluts. Na Mungu alipita na wokovu yake. Pour venir vers nous, nous y reviendrons. Dieu a kuya huku kwetu tutarudilia. C'est comme dans l'histoire de Boaz. Ni sawa mwadisi ya Boaz. Avec Naomi et Ruth. Na Naomi na Ruth. C'est une histoire aussi que nous prendrons pour parler un peu en détail. Lorsque Naomi est retournée en Israël, après la mort de son mari et de ses enfants, elle est rentrée avec elle, Naomi, la Moabite. Une femme des nations. Mais quand ils sont arrivés, ils ont trouvé Boaz qui représentait le Rédempteur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui avait le rachat sur eux. Maintenant, Boaz ne pouvait pas racheter Ruth la Moabite. Il n'avait pas de contrat avec les païens. Il n'y avait aucune loi qui pouvait l'autoriser à épouser une païenne. C'est ainsi que Boaz rachète Naomi. Akakombola Naomi. Et comme Naomi était une vieille femme, na vile Naomi alikuwa mzee, et qu'elle n'était pas dans l'état de donner des enfants à Boaz, un jeune homme, na shikwe mwali ya kuletea batoto Boaz, en rachetant Naomi, mukumkombola Naomi, il a même temps racheté Ruth. Akakombola paka pale na. C'est vrai frère. Ndio vile nduku. C'est ce qui est arrivé aussi avec nous. Na ndio kile kilifika pamoja na sisi. En rachetant mukumkombola Israël. Jésus-Christ a racheté aussi. Jésus-Christ a ricombola tena. Ruth la Moabite. Ruta wa kumwaba. Qui est l'église des nations. Mwenye kwa kanisa mataifa. Voilà comment nous avons reçu grâce. Ndio mwele nama tulipata neema. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est vrai ma soeur. Ni kweli dada yangu. Regardez. Angali. Quand nous prenons Apocalypse chapitre 5. Wakati tunabeba ufunuo sura yake ya 5. Nous vous avons déjà dit que le chapitre 1, sema sura ya kwanza, chapitre 2, sura ya pili, et chapitre 3, na sura ya 3, parle de l'église des nations, unasemea juu ya kanisa la mataifa, parle de son salut, unasemea juu ya wokovu yao. Mais arrivé au chapitre 4, lakini kufika msura ya 4, l'église est enlevée, kanisa inanyakuliwa. Mais le verset 5, asa, mustari atano, nous révèle, disons, le chapitre 5 d'Apocalypse. Sura ya tano ya ufunuo, le chapitre 5 d'Apocalypse, sura ya tano ya ufunuo, nous montre comment le parent rédempteur a accompli la rédemption sur l'église. Inatonesha namna ile mukombozi alitimiza ukombozi yake juu ya kanisa. Et Dieu, na Mungu, le parent rédempteur, en rachetant l'église, il a pris tout son temps pour lui révéler son nom. Parce que l'église des nations juu kanisa mataifa devait connaître le nom du rédempteur. Ilipasa kujua njina ya mkombozi wabo. Le parent rédempteur mkombozi révéla arifunula même le baptême hata ubatizo wenyewe en son nom munjina yake. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que l'église juu kanisa et le rédempteur na mkombozi devait faire une alliance. Walipasa kufanya agano. Voyez, naona. Il lui a révélé le nom de l'alliance. Alifunula njina ya agano. Voyez. Naona. Et na. Ici au chapitre 5. Umu musura ya tano. Vous voyez qu'il y avait. Vous voyez ici. Unaona umu. Que le rédempteur. Mukombozi. Avait un livre. Alikuwa na kitabu. De sept sceaux. Kenye kufunga na miuri saba. Et ce livre devait être ouvert. Na kile kitabu kilipasha kufunuliwa. Tous les mystères devaient être révélés à l'église kanisa, qui avait reçu le rédempteur qu'Israël avait rejeté, qui est devenu le rédempteur de l'église. Il est répoqué à mkombozi ile Israël alikatala mwenyana kwa mkombozi wa kanisa. Pour recevoir la vie, Dieu a la vie éternelle, kujima wa milele. Il devait révéler tous les mystères à l'église de l'ancien, kanisa mataifa, la sécurité éternelle, ukingo ya milele, la prédestination, kutangulia kutayarishwa, la semence du serpent, mbeku ya, la divinité de Jésus-Christ, Mungu wa Yesu Kristo, le baptême au nom de Jésus-Christ, ubatizo mwingine Yesu Kristo. Vous voyez, unaona? Même l'eau dans l'église. Atamu kanisa maji. Parce que pour que l'église des nations, juu kanisa mataifa, qui ne savait pas comment se conduire dans l'église du Seigneur, recevait des instructions pour marcher en douceur avec le rédempteur. Et le chapitre 5 révèle cela. Tunafunula ile. Voyez bien mes frères. Parce que si cela n'était pas révélé, juu kama ile kufunuliwa, l'église des nations kanisa mataifa ne pouvait rien faire. Basta fanya kintu. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendo. Voyez bien mes sœurs. Unaona da mpendo. C'est comme Israël avait rejeté son pardon. Na vile Israël akatala buluma yake, neema yake. Et que cela n'a pas été appliqué sur lui. Na ikuweko ya juu yabo. Et que cela traversait des frontières. Na ile litambuka ko. C'était fini pour eux. Kukamalizika kwabo. Pour un temps. Juu ya wakati. Fulani. C'est vrai. Nikweli. Regardez dans Romains au chapitre 11. Angalia mba Roma 11. Commençons au verset 5. Tuanzie pa mstari ya 5. Romains chapitre 11. Ba Roma sura ya 11. Verset 5, commençons par là. Mstari ya 5 tukunaanzia pale. De même aussi dans le temps présent, hivyo hivyo mwakati tena ya sasa, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Kuko mabaki kufatana na uchaguzi ya neema. Oh, si c'est par grâce, japo kama ni kupitia neema, ce n'est plus par les œuvres, aina kupitia matendo. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Kwa kinyume neema haitakuwa neema. Et si c'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce. Na kama ni kupitia matendo kumbe haina neema. Autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Kwa kinyume matendo haina matendo. Quoi donc? Nini basi? Ce qu'Israël cherche. Kile Israël kuna tafuta. Il ne l'a pas obtenu. Haiko kipata. Mais les élus l'ont obtenu. Lakini bateole tandis walipata, que les autres ont été endurcis. Wakati ile bengine baliwekwa mioyo migumu. Israël les juifs endurcis. Baliwekwa mioyo migumu. Selon qui est écrit. Patana ile naandikwa. Dieu leur donna un esprit d'assoupissement, nous y reviendrons. Mungu akakabudia roho moya ya ugumu. Des yeux pour ne pas voir, pour ne point voir. Macho juu basipate kuona. Et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Na mashikio juu basifikie kufikia pana leo. Na kufika hapa tuko nasema. Et David. Na Daudi. Dit. Anasema. Que leur table soit pour eux un piège. Meza yao ipate kuwa kwao miteko. Un filet, une occasion de chute. makila na kwa une rétribution. Na malipo. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir. Macho yao ipate kupofosha ndio washione. Et tiens leur dos continuellement courbé. Na weke mikongo yabo yenye kukawia mkukunjama. Je dis donc. Nasema basi. Est-ce que c'est pour broncher qu'ils ont qui c'est pour tomber qu'ils ont bronché? Et ni jua kuanguka ndio kwa maana bali. Loin de là. Mbali na hiyo. Lakini par leur chute. Kupitia kuanguka kwao. Le salut est devenu accessible aux païens. Kupitia kuanguka kwao wokovu sasa inawezekana kwa pagano. Vous voyez? Unaona? Afin qu'ils soient excités à la jalousie. Kusudi wapate kulamushwa kubwivu. Vous voyez? Unaona? Si Israël. Kama Israël. Avait rejeté Christ leur Messie. Arikatalaka Christu Masia wabo. C'est parce que Dieu leur avait aveuglé. Ni ju Mungu alibapofusha. Pour que le salut d'Israël soit accessible à l'église des nations. Ju okovu ya Israël ipate kuwezekana ukanisa ya mataifa. C'est vrai. Ni kweli. Nous l'avons reçu par grâce. Turipata kwa neema. Cela a montré l'amour de Dieu à notre égard. Ile ilionyesha mapendo ya Mungu kwetu. Et c'est ce que nous devons comprendre. Ah, ndio kile tunapasha kuelewa. J'y reviendrai. Tarudilie hapo. Vous voyez frère. Munaona nduku. Notez une chose très importante encore. Mwandike kitu kimoja kia lazima tena. La dernière partie des 70 semaines de Daniel. Kipande kia mwisho kia majuma makumi saba ya Daniel. Que nous appelons la 70e semaine. Kile tuko naita ile juma ya mwisho ya makumi saba. Commence après le départ de l'époux des nations dans l'enlèvement. Kita anza nikisha kunyakuliwa kwa kanisa ya mataifa. Nous avons déjà dit. Tunaisha kumioneshaka. Qu'il y a trois parties. Kusema kuko bipande tatu. Dans les 70 semaines de Daniel. Mumajuma makumi saba ya Daniel. Kuko kwanza majuma saba. Il y a les 62 semaines. Kuko majuma makumi sita na mbili. Et il y a une semaine. Na kuko juma moya. Les deux ici forment 69 semaines. Hii mbili inatunga majuma makumi sita na kumi. Comme nous allons l'expliquer. Vile tutafasiria. Parce qu'on n'a pas encore expliqué cela. Jua tuyafasiria hayo. Les 69 semaines s'accompliront avec la mort du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'après les 62 semaines, le conducteur le oint sera retranché. Nous allons tout expliquer. Cette semaine ici, peut-être pour anticiper, lorsque Christ fut rejeté, comme nous venons de l'expliquer, le salut est devenu accessible aux nations, n'est-ce pas? Comment le salut est devenu accessible aux nations? Après le rejet de Christ, Dieu a tourné ses regards vers les nations et les 70 semaines de Daniel furent arrêtés ici avec. Majuma makumi saba ya Daniel kashimamia pale. Et Dieu a introduit le septa de l'église. Na Mungu akaweka vizazi saba ya kanisa. Uwaye. Munaona. La dernière semaine est restée. Hii juma ya mwisho ilibakia. Avant que cette semaine ne commence. Mbele ya hii juma yo kuanza. L'épouse de Jésus Christ. Bibi ya harusi wa Yesu Kristu. Des nations. Ya mataifa. Ne sera pas sur la terre. Ashita kuya pa dunia. Aussi longtemps. Wakati yote. Que l'épouse des nations n'est pas enlevée. Bibi wa rusi wa mataifa ye balo kunyakuliwa. La 70e septième semaine de Daniel, ile juma ya mwisho ya juma makumi saba ya Daniel ne commencera pas. Haitaanza. C'est vrai. Ni kweli. C'est vrai. Ni kweli. Cette semaine ne commence pas. Hii juma yanze. Quand l'épouse est là. Wakati bibi harusi akingariki. Il faut que les âges de l'église. Napasha bizazi ya kanisa. Termine. Bimalizike. Il faut que Dieu. Napasha Mungu. Termine avec le salut du côté des nations. Amalize na wokovu ngamwe mataifa. C'est à ce moment-là qu'il va retourner. Mwile wakati atarudia. Vers Israël. Ku Israël. Pour achever. Jua kumaliza. La dernière semaine. Ile juma ya mwisho. De 70 semaines de Daniel. Comme nous allons l'expliquer. Ya ile majuma makumi saba Daniel vile tutafasiria. Vous voyez, Mnaona. La deuxième chose que vous devez noter, pourquoi nous insistons à parler sur les 70 semaines de Daniel. Pourquoi nous voulons à tout prix expliquer les 70 semaines de Daniel. Alors que c'est un plan qui ne concerne pas. Nous vous avons déjà donné la première raison. Israël. Israël. Et le calendrier de l'Église des Nations. Israël ni calendrier kanisa mataifa. Qui montre à l'épouse des nations que Jésus-Christ est à la porte. Le retour d'Israël dans sa patrie est un signe. Kurudia kwa Israel mujimbo yake na yo ni alama. Maintenant la deuxième raison c'est celle-ci. Sasa sababu ya pili hiyo hii. Pourquoi nous voulons à tout prix expliquer les 70 semaines à l'église des nations. Yaani tu unapenda kufasiria kabisa hii majuma 17 kanisa mataifa. C'est parce que si nous ne le faisons pas, ni juu kama tuifanye, vous manquerez de voir et de comprendre. Mutashinda kuona na kuelewa. La signification maana de tous ces événements ya hii maandamano yote qui s'accompliront ile tatimilika de l'Apocalypse chapitre 6 kuanzia Mufunuo sura ya 6 jusqu'au chapitre 19 même au-delà kufikia paka msura 19 hata kuendelea parce que ces choses là se passent dans la dernière semaine des 70 semaines de Daniel. Ju bile bintu biko napitikana mu hii juma ya mwisho ya majuma 17 ya Daniel. Pourquoi nous tenons à tout prix à expliquer les 70 semaines de Daniel? Ju ya nini tuko paka napenda kusemea juu ya majuma 17 ya Daniel. Si nous n'expliquons pas les 70 semaines de Daniel, l'église des nations que nous sommes, vous et moi, nous ne comprendrons pas les choses qui s'accompliront de l'Apocalypse chapitre 6 jusqu'à l'Apocalypse au chapitre 19 parce que ces événements que nous lisons du après l'enlèvement de l'épouse s'accompliront exactement dans la dernière semaine. C'est pour nous éviter la confusion. Si aujourd'hui il y a les gens qui croient que Jésus est déjà venu, nous sommes dans le millénium, nous sommes enlevés, ils n'ont pas compris ces choses. Nous allons vous faire un schéma pour que vous ayez quelque chose où vous accrochez. Cet âge n'est pas encore là, je vais le faire. Ouais bien mes frères. C'est lorsque les gens ne comprennent pas la parole prophétique, ils croient aux fausses doctrines. Pourquoi les frères croient que les tonnerres sont révélés? Ils croient que Jésus est déjà venu. L'église est déjà enlevée. Les gens sont dans le millénium. Ils n'ont pas compris l'enseignement sur les 70 semaines de Daniel. C'est ainsi qu'ils ne comprennent pas les événements qui s'accomplissent après l'enlèvement de l'épouse de l'Apocalypse 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Les événements qui s'accomplissent dans ces chapitres ne s'accomplissent pas autant où l'Église est sur la terre. Non, ce sont les événements qui s'accomplissent quand l'épouse est déjà enlevée. Et ça s'accomplit dans la dernière semaine des 70 semaines de Daniel. C'est vrai. Je vous ai dit que si je commence à aller vite, vous m'arrêtez. C'est pour vous voyez aujourd'hui, il y a de la confusion. Et les gens ne comprennent pas Frère Franck. Quand Frère Franck dit que l'Apocalypse 10 ne concerne pas l'épouse des nations. Vous voyez? L'Apocalypse 10 ne comprenne pas ne concerne pas l'Église des nations. L'Apocalypse 10 s'accomplit littéralement chez les Juifs. S'accomplit à Israël. C'est pendant cette dernière semaine. Vous voyez? Si nous n'expliquons pas, je reprends, si nous n'expliquons pas les 70 semaines de Daniel, vous ne verrez pas, vous ne serez pas situé, et vous ne comprendrez pas la signification de cette sous. Qui se trouve ne kupatikana dans Apocalypse 6, mu ufunuo sura yake ya sita, verset 1 à 17. Sura ya kwanza paka 17. Premièrement, ya kwanza, si les 70 semaines de Daniel ne sont pas correctement expliquées à l'Église, kama majuma makumi saba haikupasiriwa mzuri kwa kanisa, les gens ne comprendront pas la signification et manqueront de voir les sept sceaux qui sont consignés dans Apocalypse 6, verset 1 à 7. Et Apocalypse 8, verset 1. L'église est avec moi. Deuxièmement, les gens ne comprendront pas et ne verront pas les sept trompettes que nous lisons dans Apocalypse 8, versets 1 à 13. Mustari wa kwanza pa 13. Et dans l'Apocalypse 9, na mufunuo kenda, verset 1, mustari wa kwanza, jusqu'au verset 21. Paka mustari wa 21. Douglas est où? Douglas est quoi? Venez écrit. Kuya wandike. Si les 70 semaines de Daniel ne sont pas expliquées correctement, nous manquerons deuxièmement de voir et de comprendre la signification de ces sept trompettes. Qu'on retrouve dans Apocalypse 8, versets 1 à 13, et Apocalypse 9, na ufunuo kenda, verset 1 à 21, effacez ça. Mustari wa kwanza paka makumi mbili na moja. Troisièmement. Kiatatu. Nous manquerons de voir les sept fléaux, mapigo saba, qui sont décrits yenye kwa, yenye konesha, Dans Apocalypse 15, Mufunuo, je dis ça lentement pour que vous écriviez. Niko nasema pole pole ni jumu pate kuandika. Si tu peux écrire, unaweza kuandika Douglas. Ah, nous manquerons de voir un le 7 sous. Pande pas le yulo, pande pas le yulo. Un le 7 sous. Kya kwanza miuri saba. 7 sous. 2. Les écritures, vous les notez. Kiapiri. Je le dis. Deux, les sept trompettes. Ma parapanda saba. Trois. Kiatatu. Les sept fléaux. Ma pigo saba. D'Apocalypse 10, 1. Ya ufunuo kumi. Comme il y a de la place, tu peux. C'est jusqu'à 11. Hein? Tu. Ça. C'est jusqu'à 11. Je vais aller jusqu'à 11. Nitaenda paka ya 11. Les sept fléaux d'Apocalypse 15:1. Mapigo saba ya Ufunuo 15 mstari wa kwanza. 4. Les sept coupes d'Apocalypse 16. Ya ine bikombe ine ya Apocalypse 16. Verset 1 à 21. Mstari wa kwanza paka 11. 5. Ya tano. Les sept tonnerres d'Apocalypse 10:4. Tu vois? Mingurumu saba ya Ufunuo kumi sura ya ine. Les sept tonnerres. Mingurumu kumi. D'Apocalypse 10 verset 4. Ya Ufunuo kumi mustari wa ine. 6. Kya sita. Les trois malheurs. Ma oletatu. 6. Les trois malheurs d'Apocalypse 9. Ma oletatu ya Ufunuo kenda. Verset 12. Mustari ya kumi na mbili. 7. Kya saba. La femme dans le soleil. Mwanamuke mujua. D'Apocalypse 12. Ya Ufunuo 12. Verset 1 à 6. Mustari wa kwanza paka wa sita. 8. Ya mnane. L'expulsion du dragon dans le ciel. Kufukuziwa kwa dragon kumbingu. D'Apocalypse 12. Ya Ufunuo 12. Verset 7. Mustari ya saba. À 13. Paka 13. 9. Ya kenda. L'escellement de 144 000. L'escellement de 144 000. D'Apocalypse 7. Ya Ufunuo saba. Verset 1 à 8. Mustari wa kwanza paka wa munane. 9. L'escellement de 144 000. D'Apocalypse 7, 1 à 8. Ya Ufunuo saba. 10. Les jugements de la grande Babylone. Hukumu ya Babylone mkubwa. La mère de tous de toutes les prostituées de la terre. Mama wa makaba yote hapa dunia. La mère de toutes les prostituées de la terre. Mama wa makaba yote hapa dunia. Apocalypse chapitre 17. Ufunuo 17. Et Apocalypse chapitre 18. Na Ufunuo 18. 11. 11. Les sept âges de l'église. Vizazi saba vya kanisa. D'Apocalypse 2 et 3. Ya Ufunuo 2 na 3. C'est vrai. Ni kweli. Apocalypse 11, le secteur de l'église. D'Apocalypse 1 et 3. Ya Ufunuo sura ya kwanza ya tatu. En expliquant clairement les 70 semaines de Daniel, ufasiria wazi majuma makumi saba ya Daniel, cela donnera à l'église ile itakaburia kukanisa des nations de comprendre correctement ya mataifa baelewe mzuri les livres de l'Apocalypse kitabu kya Ufunuo dans lequel est consigné clairement mule ambao imeandikwa wazi les événements qui se passeront maandamano tafanika après l'enlèvement de l'épouse kisha kunyakuliwa kwa dans la dernière semaine mule juma ya mwisho de 70 semaines de Daniel ya ile majuma 17 ya Daniel. L'église est avec moi, j'ai parlé lentement. Kanisa kwa nifuata, niko nasema pole pole. 7. Ya saba. La femme dans le soleil. Mwanamuke mujua. Ok. Je reprends pour ceux qui écrivent. Narudia kubale weko naandika. Si les 70 semaines de Daniel. Kama majuma makumi saba ya Daniel. Ne sont pas expliqués clairement, haikufasiriwe munamna ya mzuri, nous manquerons de voir, tutashindwa kuona, l'accomplissement des événements, kutimilika kwa maandamano, et des prophéties, na kwa maunabi, qui s'accompliront, il est atimilika dans la 70e semaine mwile juma ya mwisho ya de Daniel, juma makumi saba ya Daniel. Et nous manquerons de comprendre tutashinda kuelewa la signification maana de toutes ces choses qui se passeront ya biote bile utafanika à partir kuanzia de l'Apocalypse 6 Mufunuo sura ya 6 jusqu'à l'Apocalypse 19 kufikia paka Mufunuo 19. Quelles sont ces choses qui vont s'accomplir entre Apocalypse chapitre 6 et 19? Ce sont ces deux choses ici. Premièrement, il y a les sept sceaux qui sont décrits dans Apocalypse 6, 1 à 17, et dans Apocalypse 8, 1, il y a les sept trompettes d'Apocalypse 8, 1 à 13, et d'Apocalypse 9, 1 à 21. 3, il y a les sept fléaux d'Apocalypse 15, verset 1. 4, nous avons les sept coupes d'Apocalypse 16, verset 1 à 21. 5, nous avons les sept tonnerres d'Apocalypse 10, dans son verset 4. 6, nous avons les trois malheurs d'Apocalypse 9, verset 12. 7, nous avons la femme dans le soleil d'Apocalypse 12, verset 1 à 6. 8, l'expulsion du dragon dans le ciel d'Apocalypse 12, verset 7 à 13. 9, l'essaiement des 144 000 de la race israélite d'Apocalypse 7 dans son verset 1 à 8. 10, les jugements de la grande Babylone, la mère de toutes les prostituées de la terre d'Apocalypse 17 et d'Apocalypse 18. Et la révélation de toutes ces choses et leur signification qui étaient cachées et scellées dans les pages de la Bible depuis la fondation du monde jusqu'aujourd'hui, ces choses ici. Voyez, l'église est avec moi. Les choses ici que nous avons énumérées étaient cachées dans les pages de la Bible depuis le commencement jusqu'à la fin. C'est pourquoi les gens qui lisaient l'Apocalypse et même les gens qui lisaient Daniel ne comprenaient pas parce que l'esprit de la révélation n'était pas encore venu. Il fallait que l'âge de l'Odyssée soit là à la fin de l'âge de l'Odyssée, à la fin de l'âge des gentils, pour que la signification de ces choses soit accordée, parce que l'église de Christ est la bien-aimée. Il vint, Daniel dit, et l'ange dit, je suis venu pour ouvrir ton intelligence, parce que tu es un bien-aimé. Quand tu as commencé à prier, La parole était déjà sortie. Dieu m'avait déjà donné l'autorisation de venir te répondre. Maintenant, quand tu me vois, moi, Gabriel, c'est pour d'abord t'ouvrir l'intelligence. Parce que tu n'as pas compris ce que tu as vu. Tu n'as pas compris ce que tu lisais. Mais maintenant, je t'ouvre l'intelligence pour que tu comprennes cela. Parce que tu es un bien-aimé. Et l'époux de Jésus-Christ dans l'âge de la Odyssée et la bien-aimée du Seigneur Jésus-Christ qui doit comprendre tout ce mystère. C'est pourquoi ça doit être révélé, ça doit être expliqué, ça doit être dévoilé. Vous voyez, pour que tout le monde comprenne en bon les sons, les trompettes, les fléaux, les sept coupes, les sept tonnerres, les trois malheurs, la femme dans le soleil, comment on a chassé les dragons dans le ciel, les seulement, vous voyez, et les jugements. Comprendre même les actes de l'église. Comment nous avons été rachetés. Toutes ces choses-là étaient cachées où? Dans les seaux. Et quand les seaux s'ouvrent, c'est la fin. Vous voyez, quand Fabana ouvre le septième seau, dans le chapitre 8, il disait le septième seau, il dit, c'est la fin, la fin de l'église, la fin du monde, la fin de toutes choses, la fin même de la grâce, du côté des nations. Et pour classer chaque chose, et ne pas tomber dans les fausses doctrines. Ces choses doivent être expliquées. C'est aujourd'hui. Dans les temps de la fin. Que tous ces mystères doivent être révélés, expliqués à l'épouse de Jésus-Christ avant son départ, et c'est conformément aux promesses de l'Ancien Testament. C'est vrai. Zacharie 14. Zacharie 14. Verset 7. Mustari wa saba. C'est une promesse ni malako qui nous concerne. Yenye kutuangaria. Zacharie 14. Zacharie 14. C'est une promesse ni malako qui déclare ile konatangaza au temps de la fin, wakati ya mwisho, la lumière apparaîtra. Nuru itaonekana tena. Verset 7. Sari ya saba. Car un jour unique, ce sera un jour unique. Itakuwa ni siku ya kipekee. Connu de l'Éternel. Yenye kujulikana na Bwana. Qui ne sera ni jour ni nuit. Ila itakuwa kushika wa mchana. Mais vers le soir. Lakini wakati ya magharibi. La lumière paraîtra. La Bible ne dit pas Bible iseme, vers le soir le soleil jua paraîtra. Hein? Pana. Le soleil était toujours là jua ilikuwa, mais il était brouillé par les nuages des interprétations terminationnelles. La vérité de Dieu était toujours là, mais elle était brouillée par les interprétations théologiques. Na matafsiri ya kiteolojia. C'est vrai. Ni kweli. Le soleil jua était toujours là, ilikuwa hapo tu, mais voilé par les nuages de fausses doctrines. Lakini yenye kufinikiwa na mawingu ya mafundisho ya bongo. Quand les nuages couvrent le soleil, wakati mawingu yanafunika jua, le soleil ne peut pas briller. Jua haiwezi kuangaza. Mais il est dit, lakini imeandikwa, vers le soir, wakati ya magharibi, la lumière, nuru, apparaîtra, itaonekana. Acte 3. Quelles sont les promesses matenda wa mitume qui nous annonce que dans les derniers jours, tous ces mystères seront révélés à l'époux des nations avant son départ. Actes des Apôtres chapitre 3. L'Église est avec moi. Verset 19. Jusqu'au verset 21. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes d'autrefois. Le ciel doit garder Jésus jusqu'à ce que toutes choses sera rétablie dans l'Église des nations. Sera révélé à l'Église des Nations comme Dieu l'avait déjà annoncé par les saints anciens prophètes. Luc 17, verset 30. La Bible dit, vous pouvez commencer jusqu'à à partir du verset 25, tout ça. Mais je commence seulement au verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Dans votre Bible dit, le Fils de l'homme paraîtra. C'est dans l'âge de la Odyssée, au temps de la fin, que le Fils de l'homme sera révélé à l'épouse. C'est vrai. Dans Malachie chapitre 4. Verset 5. 6b. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Partie B. Et le cœur des enfants à leur père. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Élie de Malachie 4, je l'envoie dans le dernier âge de l'Église, l'âge de la Odyssée, pour que le cœur des croyants puisse retourner à la foi apostolique avant que la terre ne consume et avant le retour du Seigneur. C'est vrai. Apocalypse 10, Ufunuo 10, verset 7, Mustari yake a 7. Cette écriture qui a un double sens. Et andiko yenye kwa na maana mara mbili. On l'a appliqué rien que sur Frère Branham. Bariweka paka kwa ndugu Branham. À cause de sa position. Juu ya hali yake. Qui vient révéler toute chose à la fin du temps. Yenye kuya kufunula vitu vyote kumwisho wakati. Mais au jour de la voix du septième ange. Lakini kumashiku ya sauti ya malaika. Quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Siri ya Mungu itatimilika vile alitangaza kwa watumishi wake Bwana. Mystère, la divinité de Jésus. Mungu wa Yesu Kristo. C'est dans la divinité divinité de Jésus qu'on révèle les restes des petits mystères. Dans la Bible, il y a un grand mystère de tous les mystères, c'est la divinité de Jésus-Christ. Il n'y a pas un plus grand mystère que la divinité de Jésus-Christ. C'est la révélation de la divinité de Jésus qui ouvre la porte à ces autres mystères. Même quand nous allons dans les eaux, on révèle Christ. Comment il a conçu le plan. Comment il a réalisé. Comment il réalise en nous. Voyez, la divinité était au ciel. La divinité est devenue un homme. Il a habité parmi nous. Voyez, la divinité maintenant est en nous. Et nous allons hériter avec la divinité. Voyez, maintenant quand on ouvre ce grand mystère qui est la grande porte, quand on entre maintenant dans la divinité de Jésus, on connaît qui est Dieu, qui est le rédempteur, qu'est-ce qu'il a fait. Voyez comment a-t-il vaincu l'ennemi. Comment il va punir l'ennemi. Voyez comment il va châtier les rebelles qui ont appuyé l'ennemi après qu'il est venu accomplir son rachat et qu'il l'a rejeté. Toutes ces choses-là sont cachées en lui. Maintenant il commence à vous expliquer comment il va les châtier dans les trompettes, dans les fléaux, avec les coupes, avec toutes ces choses-là, avec les malheurs. Vous comprenez cela? Ah, je commence à me sentir bien. Le frère n'a eu un français à interpréter. Akuna, si le coup vanda na Biblia, il est inachindia qui surpasse Bumungu wa Yesu Christo. La divinité de Jésus-Christ. C'est dans ces mystères qui est caché tous les trésors de la richesse de Dieu. Nous connaissons toutes les choses parce que la divinité de Jésus-Christ a été dévoilée. Il est un film. Comment il a conçu ces choses-là? Il connaît chaque événement qui se passe et dans le monde, et dans l'église, chez les païens, en Israël, c'est lui le maître. C'est vrai frère, rien ne peut l'échapper. C'est pourquoi, autour de son trône là, il y a des gens qui ont des yeux dedans. Ils ont des yeux au-dedans et dehors. Il y a des gens terribles. Parce que tout est révélé. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. Il y a Daniel chapitre 12. Dieu nous a promis que ces choses seront révélées au temps de la fin. Verset 4, toi Daniel, tiens secrète ces paroles. Daniel et scelle les livres. Jusqu'au temps de la fin. Alors, et plusieurs alors les liront. Et la connaissance augmentera. C'est une promesse. Dans Joël au chapitre 2. Joël au chapitre 2. C'est bon. Zuri. Tout sera révélé biote bitafunuliwa à l'épouse. Habibi warusi. Ils comprendront. Bata elewaka. Joël au chapitre 2. Joël sura ya pili. C'est vrai. Ni kweli. Verset 26. Sarama kumbili na sita. Vous commencez au verset. Moi mwanzie pa mstari. Même au verset 23. Mwanzie ata pa mstari makumbili na tatu. Et vous, enfants de Sion. Na mwe batote ya Sion. Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison. Autrefois, les airs se rempliront de blé. Magala itayala ngano. Et les cuivres regorgeront de mou. Na bikombe bitayala. Et d'huile. Bitu ya butama na je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Nitabadilishaka miaka ile iliharibishaka sauterelle. Le azil. Azil. Et le gazam. Na gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Jeshi yangu mkubwa ile nituma kwenu. Vous mangerez. Mutakula. Et vous vous rassasierez. Na mtapata kujiba. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. Na mtatukuza jina la Mungu wenu. Pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu de vous. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel votre Dieu. Et qu'il n'y aura point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est vrai. Nous ne sommes pas dans la confusion. Parce que les livres qui prêtaient la confusion et les incompréhensions ont déjà été ouverts et expliqués. Nous ne sommes plus dans la confusion parce que tout est expliqué. Tout est éclairé. Nous ne sommes plus dans la confusion parce que Dieu a parlé. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. Parce que chaque chose brisée dans la parole, révélée dans la parole, expliquée dans la parole, révèle à l'homme l'esprit de cet âge-là. Les comportements des hommes de cette génération et les promesses de l'air. C'est vrai frère. Quand Dieu accomplit sa promesse au temps du soir, le Saint-Esprit maintenant nous révèle l'esprit qui a agi dans chaque âge et l'esprit qui agit dans cet âge. Ce n'est pas pour rien lorsque nous condamnons certaines choses. Dieu nous a donné l'esprit d'Élie. L'âge de la Odyssée est caractérisé par un esprit d'Élie. Pourquoi? Parce que Satan est venu au nom de la religion. Il a semé de la confusion. On ne peut distinguer qui est païen, qui est chrétien. Mais l'aigle a une vision perçante. Claire, qui distingue le rouge, c'est le rouge, ni rouge, le noir, c'est le noir, noir, ni noir, le blanc, c'est le blanc, blanc, ni blanc, le bleu, c'est le bleu. Bleu, ni bleu. Nous ne sommes pas dans la confusion aussi. Nous connaissons toutes choses. On nous lit des questions par mambo yote, mine yua. Non pas parce que je suis capable de kuyua, ni du mungu anesha kusema. Mina yu waju, Mungu anaweza kuniexplique kwa njia ya nabii à travers son serviteur. Je peux vous lire dans la Bible, je peux vous lire cela dans la révélation. Ata mufuno. Quand l'esprit du diable vient, on le voit. On voit les comportements des gens. C'est quoi ton mukatazaka? Il ne faut pas suivre le comportement des gens. Bana kufatirisha menendo ya bantu. Bana muke tu wanaanza kuvuala kama ni bintu kani, na wewe unaanza kuvuala. Seru unavuala juu ya nini? Niko unavuala tu paka vile. Juu mtu anavuala ka un chrétien ne fait rien pour rien. Asifanyage vitu juu ya kufanya. Unaona kama kifela kamwe kanatokea. Hapana kukafuatirisha. Mbele ambao bantu wako nafuanya. Muko nafunua. Esprit à Chétani. Esprit du diable. Oui, bien mes frères. Il y a des promesses qui doivent s'accomplir. Ah. Ça va. Je n'ai pas fini. Mais si kumaliza. Je suis obligé d'arrêter. Ça va, j'arrête. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi nous expliquons les 70 semaines de Daniel, bien que cela ne nous concerne pas? Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la confusion. Il ne faut pas placer les choses en désordre. Vraiment, nous a enseigné, il a dit, il y a trois choses qu'un prédicateur ne peut pas faire. Il ne faut pas mal expliquer la parole. Il ne faut pas placer mal la parole. Il ne faut pas partager mal la parole. Trois choses. Si aujourd'hui nous sommes en mesure de placer chaque chose à sa place, parce que tout nous a été révélé. Frère, tu veux exercer un ministère, mais tout est révélé. Frère, tu as un ministère à quoi à bon. Dieu l'a déjà révélé. C'est dans les dénominations. Et les femmes qui va passer. Naba Levi. Il va passer. Non, frère. Non, ma soeur. Pas la date. Ni mon tout le monde français, il y a bien. À nous quoi la ministère. Quelqu'un qui explique ses propres pensées. Quelqu'un qui explique ses propres pensées par la parole de Dieu, et les gens l'appellent prédicateur. Non, mon père Chikumambile me disait que le ministère, c'est du sel. C'est-à-dire, il y a du surnaturel. Ouais, quand quelqu'un explique les choses, quand quelqu'un a un ministère, il y a le divin qui est attaché à ce qu'il fait. Et Dieu lui donne la capacité de comprendre les choses, pour et lui donne aussi la capacité de les expliquer aux gens. Le ministère a une maçon, moi, pas non. Ma frère tu vois, il fonde mon somme. Et les frères qui ont étudié. Frère tu vois, c'est un ingénieur. Mais Dieu ne lui a pas donné. Mais moi, il parle bien français. Il a étudié beaucoup de choses. Mais moi, je n'ai pas étudié. Mais je confonde. Il y a des licenciés parmi vous. Ils ont étudié. Moi, je n'ai pas étudié. Mais je confonde. Mais la capacité que Dieu m'a donnée, elle est entièrement différente de celle de Frère Chihuahua. Frère Chihuahua peut expliquer les minéraux. Quand il explique, je regarde, je dis, ah bon, c'est bon. Hein. Même dans ce qu'il explique là, moi je comprends. Je n'ai pas étudié cela, mais quand il commence à expliquer, je comprends par la parole. C'est que les gens ne comprennent pas les prédicateurs. Ils comprennent toutes choses. Nous ne comprenons pas toutes choses. C'est une grâce spéciale que Dieu a faite aux gens pour avoir une capacité un peu plus supérieure aux autres. Tu peux lire le verset biblique et tu ne comprends rien. Mais quand moi je lis là, je comprends. Quand je commence à t'expliquer, c'est là que tu commences à comprendre. C'est une capacité. Ni uwezo. Voyez frère. Non, non, non. Que Dieu vous bénisse. Bwana mibariki. Nous allons continuer. Tout est endelé. Aujourd'hui c'était comme l'école de dimanche. Hein? Ne vous en faites pas, même si vous avez des questions, gardez-les. Gardez-les, il n'y a pas de problème. Nous continuons à expliquer certaines choses. Je parle, c'est comme je disais à l'ancien séminaire. Je suis obligé, quand vous me voyez, j'avance un peu, je rentre. C'est la première fois que cet enseignement est apporté ici. C'est-à-dire, il y a beaucoup de frères, il y a presque 20 ans, quand j'avais expliqué ces choses, ils ne sont plus ici. Vous êtes de la nouvelle génération. Et nous n'avons pas toujours le temps d'en parler. C'est ce que vous voyez, je vous promets toujours. Je dis, attendez. J'explique, je dis, attendez, je freine. J'avale un peu de paroles. Quand le temps viendra d'expliquer cette chose, on va les expliquer. Voilà les deux pourquoi de notre insistance pour expliquer les 70 semaines de Daniel qui ne nous concernent même pas. C'est pour nous éclairer. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous pour la prière. Tushimame, Dieu a maombi. La trompette a retenti. Écoutez, écoutez.